Livre quatrième. J'arrive et je ne la trouve plus. Qu'on juge de ma surprise et de ma douleur. C'est alors que le regret d'avoir lâchement abandonné monsieur le maître commença de se faire sentir. Il fut plus vif encore quand j'appris le malheur qui lui était arrivé. Sa caisse de musique, qui contenait toute sa fortune, cette précieuse caisse, sauvée avec tant de fatigue, avait été saisie en arrivant à Lyon par les soins du comte d'Ortan, à qui le chapitre avait fait écrire pour le prévenir de cet enlèvement furtif. Le maître avait en vain réclamé son bien, son gagne-pain, le travail de toute sa vie. La propriété de cette caisse était tout au moins sujette à litige. Il n'y en eut point. L'affaire fut décidée à l'instant même par la loi du plus fort, et le pauvre le maître perdit ainsi le fruit de ses talents, l'ouvrage de sa jeunesse et la ressource de ses vieux jours. Il ne manqua rien au coup que je reçus pour le rendre accablant. Mais j'étais dans un âge où les grands chagrins ont peu de prise, et je me forgeais bientôt des consolations. Je comptais avoir dans peu des nouvelles de madame de Varans, quoique je ne susse pas son adresse et qu'elle ignorât que j'étais de retour. Et quant à ma désertion, tout bien compté, je ne la trouvais pas si coupable. J'avais été utile à monsieur le maître dans sa retraite, c'était le seul service qui dépendit de moi. Si j'avais resté avec lui en France, je ne l'aurais pas guéri de son mal, je n'aurais pas sauvé sa caisse, je n'aurais fait que doubler sa dépense sans lui pouvoir être bon à rien. Voilà comment alors je voyais la chose. Je la vois autrement aujourd'hui. Ce n'est pas quand une vilaine action vient d'être faite qu'elle nous tourmente, c'est quand longtemps après on se la rappelle, car le souvenir ne s'en éteint point.